Doctrine d'Averroès. Progrès de cette théorie chez les commentateurs grecs. Les disciples immédiats d'Aristote, Théophraste, Aristoxène, Dicéarque, Straton, ne paraissent pas s'être fort préoccupés de la doctrine exprimée au troisième livre de l'âme. L'âme n'est pour eux que le son résultant de l'organisation des parties du corps. La théorie de la raison pure ne pouvait avoir de place dans un système qui penchait si fort vers le matérialisme. Chez Alexandre d'Aphrodisias, au contraire, cette théorie arrive à de grands développements. L'intellect passif, qui désormais s'appelle matériel, n'est rien en acte, mais tout en puissance. Car n'étant rien par sa propre force avant de penser, quand il pense il devient la chose pensée. L'intellect matériel n'est donc qu'une aptitude à recevoir les idées, semblable à une tablette sur laquelle il n'y a rien d'écrit ou plutôt à ce qui n'est pas encore écrit sur la tablette, car le comparer à la tablette même, ce serait le comparer à quelque chose de substantiel. Or il n'est rien qu'en puissance. Le fait de la connaissance a lieu par l'intervention de Dieu, qui s'empare de la faculté individuelle comme d'un instrument. L'intellect actif, pour Alexandre, est donc Dieu lui-même, mais Dieu n'entre avec l'âme que dans un rapport passager. Il n'en est que la cause motrice extérieure. Il ne l'empêche pas de retomber bientôt après dans le néant. Confère Ravesson, essai sur la métaphysique d'Aristote. Alexandre d'Aphrodisias peut être considéré comme le premier auteur de l'immense importance que la théorie du troisième livre de l'âme acquit dans les derniers siècles de la philosophie grecque, et durant tout le Moyen Âge. Thémistius nous atteste que déjà de son temps ce passage avait donné lieu à d'interminables controverses, et Philopon réfute à ce sujet toute une armée de dissidents. Pour Thémistius, comme pour Alexandre, l'intellect séparé est en dehors de l'homme. Déjà il se pose nettement la question de l'unité ou de la multiplicité de l'intellect. Il est un, dit-il, dans sa source, c'est-à-dire en Dieu. Il est multiple par les individus qui y participent, de même que d'un centre unique le soleil s'épand en une infinité de rayons. L'intellect passif aspire à s'unir à l'intellect actif, comme toute chose aspire à son perfectionnement. Simplicius n'introduisit dans la controverse aucun élément nouveau. L'intellect passif est périssable, comme tout ce qui vit de la vie successive. Quand il agit, il s'identifie avec la chose pensée. Philopon est un esprit plus original, mais un interprète beaucoup moins fidèle. L'âme est à ses yeux immatérielle, simple, immortelle. L'intellect, quand il est en acte, doit s'identifier à l'objet pensé. Le nous n'est autre chose que la raison de l'humanité tout entière. En effet, le nous, dit Aristote, pense toujours, c'est-à-dire, ajoute Philopon, que l'humanité pense toujours, comme on peut dire en un sens que l'homme vit toujours, parce que l'humanité vit toujours. Enfin, dans le livre apocryphe de la théologie d'Aristote, la théorie de l'intellect est présentée d'une manière fort analogue à celle que nous trouverons chez les Arabes. Le rôle de l'intelligence active est d'épurer la donnée de la sensation pour la rendre intelligible. Elle est l'intermédiaire, le verbe, par lequel Dieu a créé le monde. Dieu rayonne dans l'intelligence active, celle-ci rayonne dans l'âme humaine, l'âme dans le corps, et ainsi la vie divine descend jusqu'à la matière inanimée. Il s'en faut, du reste, que cette doctrine de l'intelligence unique et universelle ait été exclusivement propre à l'école péripatéticienne. Toute l'Antiquité, depuis Anaxagore, avait appelé nous le principe spirituel de l'univers. Toute l'école d'Alexandrie avait admis que les intelligences particulières procèdent de l'intelligence universelle. Mais ce fut surtout le réalisme grossier que les pères de l'Église latine portèrent en psychologie, et leur façon tranchée d'opposer le corps et l'âme comme deux substances accolées, qui contribuèrent à mettre en saillie la question de l'unité des âmes. Saint Augustin l'agite subtilement, mais, selon son habitude, évite d'y répondre, dans un curieux passage de son livre de la grandeur de l'âme, chapitre 32. Ce passage fut relevé au IXe siècle, et devint dans l'abbaye de Corbie le texte d'une assez vive controverse. Un moine hibernais, nommé Macarius Scotus, prétendit en tirer la doctrine du monopsychisme, et communiqua ses opinions à un autre hibernais de cette abbaye, dont le nom n'a pas été conservé. Ratramn, moine de Corbie, l'un des écrivains les plus connus du IXe siècle, le combattit d'abord dans une lettre dogmatique, puis, à la prière d'Odon, évêque de Beauvais, écrivit contre lui un ouvrage qui est resté inédit. Mabillon en parle d'après un manuscrit de Saint-Éloi de Noyon, il en existe plusieurs autres dans les bibliothèques d'Angleterre. Ratramn traite son adversaire d'hérétique, plus digne d'être réprimé par l'autorité que combattu par le raisonnement, et l'amène à dire qu'il n'y a au monde qu'un seul homme et qu'une seule âme, erreur si absurde, ajoute-t-il, que son auteur devrait s'appeler Bacarius et non Macarius. Il paraît, du reste, que cette doctrine n'était pas rare chez les Hibernais, une collection de canons pour l'Église hibernaise, qui se trouve dans un manuscrit du fond de Saint-Germain, écrit au 8e siècle, renferme un chapitre sur l'âme, où sont curieusement discutées plusieurs questions qui semblent avoir trait aux erreurs de Macarius. La même doctrine est du reste mentionnée dans Bède et se retrouve dans le Panthéon de Godefroy de Viterbe, attribué aux Manichéens et à Platon. Markendanarchive.org 2021, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.